de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Des milliers de tonnes de marchandises qui débarquent à Paris, en plein centre de Paris, et en pleine nuit. Incroyable. Jusqu'en 1969, date du départ des Halles de Paris, pour Rungis, c'était très réel, très concret, très bruyant, très odorant, très vivant. Les cafés cachés par les cageots, les magouilles, la prostitution, les sorties de théâtre, l'argot, les policiers en pèlerine, et la cloche qui annonçait la fin du marché et l'arrivée des clochards. Occupez-vous de vos oignons, c'est pas des salades? Eh bien, c'était les Halles. Et Josette Collin, en juin 1997, les avait revisités, avait fait revivre leur passé. Un quartier populaire, oui, mais aussi le quartier de Paris où l'on buvait le plus de champagne par an. Nuit magnétique, bonsoir. Le départ des Halles, ça perdrait tout le charme de Paris et je dis une chose, que il devrait y avoir un peu d'aménagement parce qu'avec tous les cachots sur les trottoirs, à partir de certaines heures, moi j'ai une paire de bas tous les jours à m'acheter. Ah, les Halles, c'est le cri du cœur des anciens du quartier. Ceux qui sont restés là après le grand déménagement. Presque 30 ans déjà, et ils continuent à se croiser dans les bistrots du quartier. Un petit blanc, un 421, une petite belote, et on évoque les souvenirs. Aujourd'hui, le quartier a beaucoup changé, mais à s'y frotter d'un peu plus près, on peut encore y découvrir quelques îlots de commerçants qui vivent au rythme des anciennes Halles. En 82, des personnalités du quartier créent l'association Le Carré des Halles, puis la Commune Libre des Halles, pour faire la fête et redonner vie à l'esprit de convivialité qui régnait dans le quartier à l'époque des Halles. Avis à la population, ce soir, grande fête aux Halles, organisée par la commune des Halles, on se le dise. On a très bien compris ce que c'était d'habiter dans les Halles. La première nuit que nous avons passée dans notre appartement, nous avons été réveillés par l'odeur du poireau. Alors je vous assure que ça nous a fait quand même bizarre. Mais on n'était qu'au début, on n'avait pas tout vu. Ça commençait à arriver vers les 9h. À 9h, on entendait tous les rideaux s'ouvrir en même temps, ça faisait un vacarme épouvantable. Alors on ouvrait les rideaux, et là, ils commençaient, les commis commençaient à sortir tous sur la rue. Dans toutes les rues du quartier, la rue Saint-Honoré, la rue Sauval, la rue Montorgueil, la rue du Jour. Alors c'était le quartier légumes. Alors à 9h du soir, les forts des Halles, les anciens forts des Halles, faisaient des marquages. Alors, ils laissaient simplement, entre chaque porte cochère des immeubles, un petit passage. Alors, vous aviez des montagnes de poireaux, des montagnes de carottes, de salades, enfin, tout ce qui était maraîcher. D'ailleurs, il y avait un café, un magasin de légumes, un café, un magasin de légumes. Hein, il y avait... c'était ça. Il rentrait des milliers de tonnes de camelotes. Dans les Halles. Et les Halles, c'est pas si grand que ça. Hein. Vous voyez, le circuit Sébasto, Louvre, Étienne Marcel, Rivoli. Il rentrait des milliers de tonnes de marchandises. Hein, bien sûr, il y avait 12 pavillons. Mais autour de ces 12 pavillons, le périmètre des Halles, ce qui était autour du périmètre, étaient des magasins qui étaient de ce produit. C'est-à-dire que autour des pavillons de la viande étaient des magasins de demi-gros de viande, étaient des magasins qui correspondaient à la viande. Vers le poisson, c'était les types, les escargots, les machins, les trucs qui étaient vers le poisson. Le fromage aussi, à chaque endroit où il y avait des pavillons de poissons, de volailles, Les pourtours, les périmètres, étaient bien entendu occupés par des magasins spécialisés de ce produit-là. Toute la partie entre Pont-Neuf et Louvre, il n'y avait pas un type qui vendait du poisson. Le poisson était tout, Pierre Lescot, Sébastopol. Parce que le poisson arrivait par là-bas. Et les camions qui livraient le poisson n'arrivaient que par le boulevard Sébastopol. Les camions qui livraient la viande n'arrivaient que par la rue du Louvre. Il déchargeait, l'autre derrière attendait qu'il ait déchargé pour avancer, etc. C'était pas du parking, c'était de... Parce que dans un camion de fruits et légumes, il n'y avait pas qu'un seul client. Le type pouvait avoir 50 colis rue Berger, 30 colis rue Machin, 40 colis... Alors, avec son camion, il avait les rippers, les ozos, là, qui, une espèce de demi-clodo, mais enfin, qui connaissaient les halles par cœur, qui savaient les poissons pilotes, hein. Alors il disait au camion, mais suis-moi, viens là, qu'est-ce que t'as dans ton camion, t'en as pour un tel. Alors lui, pendant que le type déchargeait, lui il allait à l'arniflette voir là-bas, s'il valait mieux que le camion aille par là ou par là. C'était leur ce petit métier de poisson pilote qui avait leur propre client comme camionneur, parce que le camionneur, quand il arrivait au Rivoli avec son camion à minuit ou 11h du soir, le poisson pilote était là pour attendre, bon alors fais voir ce que t'as dans le camion, etc. Ramène-toi chez un tel, on va le faire au diable ça, on va le faire à main, parce qu'il disait, il vaut mieux qu'on prenne un mec qui va l'amener pour 20 colis, pour aller là-bas, on va pas perdre... Vous voyez, toute cette espèce de petit métier. Dans les halles de Paris, près de la rue Saint-Denis, il y a tout un monde qui vit et qui grouille dans la nuit. Il y a les mains pleines de sang qui portent des bœufs saignants. Il y a le bruit des gros camions qui transportent le poisson. Et il y a les trognons de choux qui roulent vers les égouts. Pyramides de carottes que l'on va lier en bottes. Des poireaux, des échalotes, des volailles qui gigotent. Des déchets pour les gargotes. Vous savez, c'était une vie tout à fait spéciale. Hein. C'était spécial, Léal, oui. Ici où on habitait, là, vous voyez, dans cette cour-là, ils épluchaient des petits pois et des haricots verts. Toute la nuit et des pommes de terre. Ça se mettait en route à minuit. Et là, il y avait 5-6 machines de patates. Toute la nuit, ils épluchaient les patates. Oui, parce que les marchands de frites venaient acheter les patates. Là, il y avait une dizaine de bonnes femmes dans la cour qui épluchaient les haricots verts. Oui. Et il y avait une machine qui épluchait les petits pois. Qui épluchait les petits pois. Elle était là, la machine. Oui. C'était infernal, parce qu'ils étaient combien, au moins 10 chez le Goas. Ah oui. Et alors, oui. Évidemment, eux, ils travaillaient, ils chantaient, il y en a... Alors, ils chantaient comme plein d'eau, hein, pour eux, ils travaillaient. Hein. Ils chantaient, je me rappelle, ils chantaient. Elle avait mangé une poignée de grains de café. Oui. Quand j'en ai marre, j'ai dit, elle en a bouffé des kilos depuis le temps que tu le racontes. Oh, j'avais de la fièvre, j'étais malade. Oui. Et alors, les bonnes femmes qui étaient là, vous voyez, c'était toujours un peu des clochards qui venaient pour gagner 4 sous, quoi. Alors, dès qu'elles faisaient 3-4 kilos de haricots, elles étaient payées au kilo. Ah oui, il fallait foncer au bistrot, boire un coup. Elles allaient au bistrot en bas, ça s'appelait chez Jordan, c'était ouais. Rien que les bouchers. Puis oui. Henri les appelait les girls, c'était des clochards. Mais enfin, elles venaient éplucher des haricots pour aller boire un coup. Oui, c'est pour faire 4 sous. Ma femme a épluché, oui, ce frigo-là. Elle l'a payé en épluchant des haricots verts. Oui, mais moi, je n'allais pas en bas, mais on pouvait aller chercher des cajots d'haricots pour mettre un peu d'eau au moulin. Alors, à 3h du matin, des fois, quand il y avait beaucoup de boulot, parce qu'ils fournissaient les restaurants et tout ça... Oh, hein. Pas à 3h, mais... Ah, ben, ça ne t'est arrivé. Je suis descendue à 4h et j'y allais. J'étais devenue une maladie partout où je vais, c'est moi qui épluche. Alors, le soir, on invitait les gens, là, on leur disait, on boit un coup, on mettait ça, les haricots, sur la table. On va d'abord éplucher. Tout le monde épluchait. On était devenus des ensorcelés d'air. De toute façon, au temps des halles, celui qui voulait travailler, il travaillait. Aussi bien décharger. Moi, je l'ai fait, hein, décharger les camions. Parce que il y avait beaucoup rue du Louvre de ce temps-là. C'était le camion attendait. Il y avait un gars qui était là pour réceptionner les bons, pour envoyer les gens à tel endroit, Alors on lui disait, bon, bah, tu vas à tel endroit. Alors bon, il mettait un tampon, tu vas là-bas. En principe, moi, je sais que quand je le faisais, je déchargeais le camion, mais on me payait le repas et tout. Alors, quand vous débarrassiez la marchandise, vous la mettiez où? Ah ben, à chaque resserre qu'il y avait, parce qu'on avait sa resserre. S'il était ouvert, bon, ben, le commis qui était là, il réceptionnait, il signait tout de suite. Mais des fois, vous n'aviez pas le temps, parce qu'il y avait 10, 15 clients. Alors, vous mettiez devant la porte, vous laissiez le bon de commande, enfin, de machin, c'était... Il n'y avait jamais de vol? Oh, ça, c'est autre chose. Ça, des vols, il y en a eu, et puis il y a eu beaucoup de... Hein, vous savez, les cajots, ils étaient souvent pas le poids qu'ils devaient avoir dedans. Hein. Ah bah, tout le monde se servait. Alors. Ah oui, d'accord. Bah, ça a toujours été. Je crois que peut-être pas à Rungis maintenant, mais enfin, avant c'est comme ça. Mais de toute façon, tout le monde s'en sortait. Si vous voulez, quelque part, les acheteurs, ils étaient volés. Mais sans le savoir, parce que de toute façon, on leur faisait toujours, quand ils prenaient, par exemple, je te prends 20 caisses de tomates, le patron disait, bon, bah tiens, je t'en donne une. Mais tout en sachant que les commis, quand ils ont mis en place, c'était les cajots en forme un petit peu de panier triangulaire, les tomates, à cette époque-là, elles n'arrivaient pas en plat. Alors, ils les ouvraient, ils les retournaient, parce que les tomates arrivaient dans des alvéoles et dans la paille. Et alors, il y avait 4-5 rangées. Alors, ils retournaient les paniers, ils enlevaient la dernière rangée, pour eux, pour mettre dans leur lazor, puisque c'était le lazor. Et alors, bon, ben, l'acheteur achetait sa caisse de tomates avec une rangée de moins, mais le patron à la sortie, quand comme si les gens, ils achètent toujours au même fournisseur, hein, parce que les prix à quelque chose près, c'est comme aujourd'hui, c'était peut-être moins réglementé, mais si vous voulez, il y avait quand même un cours. Bon, il y avait toujours un petit... Alors ce qui fait que le patron après disait, bon bah tiens, je t'en laisse une. Donc, bon, c'était... Tout le monde retrouvait son petit quota. C'était... En fin de compte, le lazor, c'était entre le vol et puis le prélèvement normal. Oui, voilà. C'est-à-dire que le patron le savait. Le matin, quand l'employé partait avec ses deux sacs, il lui demandait jamais, qu'est-ce que tu m'as pris ? Jamais, jamais, jamais. Dans les halles de Paris coule le sang de la vie. Y a de tout à tous les prix pour palaces et boui-boui. Les marchands de quatre saisons y viennent faire leur moisson. Y a des fruits pour tous les goûts, en cajot, en tapartout. Y a des femmes aux yeux éteints qui traînent leurs souliers d'étain. Et toute la ribambelle des clochards près des poubelles se dispute dans les gamelles ou dans de l'eau de vaisselle nagent quelques vermicelles. Monsieur Tavanzis, vous vous souvenez la première fois où vous avez débarqué au Halles ? En 1954, c'était l'affaire, au fond de la cour. Alors, au début, évidemment, c'était très très dur, parce que finalement, c'était qu'il y a un demi-sous-sol, où il existe encore aujourd'hui, et il fallait descendre 3 marches. C'était tellement petit, en ayant mon bureau, quand il rentrait 2-3 clients, les autres, ils attendaient dehors. Et à l'époque, on faisait que des spécialités orientales, c'est-à-dire même des colonies, on faisait de notre coco, on faisait des tout, des olives, qu'on ne trouvait pas partout. Je me rappelle une fois, après 65, il y avait une arrivée des Espagnols. Parce qu'à l'époque, la France, ils cherchaient du personnel, des ouvriers pour les usines. Alors, comme ici, tous les commis des légumes ou des fruits, c'était des Espagnols, qui parlaient français automatiquement un peu. Alors, les gens, pour Noël et jour de l'an, la cour, elle était pleine. Et on entendait toutes les langues du monde. C'est-à-dire, non, plutôt espagnol, ou quelques Turcs, ou quelques Arméniens. Ou... Alors, ce qui fait, et s'il pleuvait, avec le parapluie. Et un jour, quand ils passaient les gens devant, après la fermeture des Halles, vers 9h, 10h, qui voyaient le monde, ils croyaient que c'était une manifestation. Les Iméris sont venus avec leurs produits. C'est-à-dire, l'Espagnol est venu avec ses oranges, l'Italien est venu avec ses citrons, et mon papa avait 7 frères qui étaient mûrisseurs dans les Halles de Paris. Et ma maman avait 7 frères qui étaient aussi mûrisseurs dans les Halles de Paris. Et puis, quand moi, je suis devenue jeune fille à 18 ans, j'ai eu ma première mûrisserie qui était là où il y a marqué Santerre. J'avais 18 ans à l'époque. J'étais la première femme qui soit montée à quai acheter des bananes. On les déchargeait par un trou qui est encore là, qui est visible. On les descendait dans le sous-sol, plus un premier sous-sol pour un deuxième sous-sol et un troisième sous-sol. 3 étages en dessous. Alors, on mettait les bananes dans la chauffe, on mettait le gaz, on allumait, et il fallait descendre. Pendant la journée, il fallait descendre 4-5 fois par jour. Et puis après la nuit, on y était, puisqu'on travaillait à partir de minuit jusqu'à 8 et 9 heures du matin. C'était un métier, c'était pire que les mines. Hein. Pire que les mines, on était toujours au premier ou au deuxième sous-sol. Vous savez ce que c'était travailler dans cette ambiance d'oxyde de carbone. Il fallait qu'on monte toutes les demi-heures un peu pour respirer parce que c'était infernal dans le cadre. Et il n'y avait pas un seul Français. Ça, c'est comme actuellement les émigrés qui travaillent dans le bâtiment et tout ça. Dans les mûrisseurs, pas un madame. Et on vivait comme ça. Mon père a fait sa banane pendant une quarantaine d'années et moi aussi. Un jour, il venait apporter des légumes là. Il s'arrêtait sur le Coronel. Oui, oui, un petit train qui était long, comme je dirais. Oh, il y avait 7-8 wagons. Hein. Il arrivait tout seul. Enfin, c'était un petit train, c'était pas un train comme. Et puis, il était plein de légumes. Et puis, il amenait sur le Coronel. Jusqu'en quelle année il existait ce train? Oh, ben, quand on était là, il y avait 35 oui, wagons. Oui, on s'est mariés en 35, les gosses. Le train existait déjà. Oh, oui, ben, oui, j'ai toujours entendu parler du train. Ah, c'est ben, toujours petit connu, train d'Arpajon, ben, je pense bien, oui. Il était même beau à voir, c'est vrai. Oh, quand c'était on venait, ils avaient chic de faire les. Quand il y avait les légumes qui arrivaient, les fruits, tout ça, c'était étalé, c'était merveilleux. Au mois de mai, au mois de juin, les premiers fruits, les premiers trucs, quand on rentrait pas, ça sentait la fraise à planer dans certains endroits. Et lorsqu'il y avait des soirées et des jours orageux, avec la marchandise tournait à vue d'œil, vous avez des cajots de haricots verts qui fumaient. La fermentation. À l'époque, quand ça arrivait, que ça déchargeait du camion, le type, il respirait le camion. Il disait, toi, machin, etc. Il faut décharge-moi ça là. Et il fallait que ce soit tout de suite. Parce que l'acheteur, lui, il connaissait également son boulot. On avait encore avec l'acheteur. Lui, l'acheteur, il mettait sa main dans les haricots verts, comme ça, il disait, non. Les haricots verts, ils sont en train de. Hein? Alors, oui, tu me les vends 4 francs, 5 francs, et puis tu me dis, tu vas voir tout à l'heure, je repasse tout à l'heure. Ben non, allez, prends-moi les, je vais te les vendre. Ben non, j'en veux pas. Parce qu'il savait très bien qu'une heure après, si la température tournait, le haricot vert continuait à chauffer, et que le gars pouvait lui acheter ce qu'il lui avait donné 5 francs 3 heures avant, il pouvait lui redonner 1 franc. Ou pas du tout, parce qu'il y avait les petits wagonnets qui étaient là, ils viraient dedans les haricots verts. Nous arrivions par le pont neuf et en passant dans tous les halles, on voyait la marchandise qu'il y avait. Et si on voyait qu'il y avait beaucoup de marchandises, on disait bon, ben, on balait, faut pas être dur. Et si on voyait qu'il n'y avait presque pas de marchandises, les jours de gelée par exemple, qu'il n'y avait pas de marchandises, alors là, c'était à l'offre et à la demande, là. C'était. Voilà, là, on gagnait notre argent. Mais en hiver, il y avait des problèmes particuliers. D'abord, vous étiez exposé à tous les vents. Oui. Nous étions exposés à tous les vents. On avait 9 rues qui traversaient notre place. La place Saint-Eustache, il y a 9 rues. À cette époque-là, il y avait 9 rues. Quand la neige tombait, quand la pluie tombait, nous étions dehors, comme ça. On était complètement mouillés, trempés, je peux dire. On avait des bottes à cette époque-là. Quand il pleuvait, on mettait des bottes. On avait des tabliers bleus devant nous. Et les tabliers mouillés coulaient dans les bottes. On faisait des petits canards. Et vous n'étiez jamais malade? Jamais. Puis mon mari, lui, qui était à cette époque-là, qui était caissier, ils avaient juste une toile au-dessus de la caisse, ouais, tous les vents. Et après, on a construit les cabanes. Et on faisait les comptes, on faisait les comptes des fois jusqu'à 10 heures pour rendre les comptes. Et on était mouillés, archi mouillés, mais on restait mouillés. Hein. On n'avait rien. Et les transactions se faisaient en liquide à l'époque? Oui, oui, oui, oui. Les gens avaient du liquide dans leur poche. Il n'y avait pas, pour ainsi dire, pas de chèque. Que le gros client qui venait maintenant de province ou qui venait de. Mais sans ça, il n'y avait pas de chèque. On mettait une zopoque dans nos poches. Tout autour des halles, là, comme au bout du trottoir, par exemple, là-bas, les rats sortaient dès que les nettoyages avaient été faits. Parce que les voitures arroseuses passaient vers 11h du matin et toutes les voitures étaient garées. Et les rats jouaient sur les voitures, ils montaient sur les pneus, ils tournaient. Des fois, nous, on est restés des scènes entières à les regarder. On avait l'impression de voir des gros chats qui jouaient l'un avec l'autre. Mais c'est vrai, mais ils étaient énormes. Mais c'était des gros. Et les gens passaient à côté, mais ils bougeaient pas. Ils bougeaient pas du tout. Ben, ils avaient l'habitude. Combien de fois les caissières arrivaient le matin, elles tiraient leurs caisses, elles avaient leurs rats dans la caisse, mais elles les connaissaient. Elles leur donnaient à manger, puis pouf, ils partaient et revenaient se coucher pour la nuit. Oui, oui, oui. C'était des rats apprivoisés presque. Moi, depuis 1953, je suis ici. Hein, vous voyez que c'est pas d'aujourd'hui. J'ai travaillé dans l'avion. J'ai été porteur dans les Halles. Au mois de mai, j'attaquais les légumes à 2h du matin. J'avais des restaurateurs. Bon. À 6h, j'attaquais le poisson. À 8h30, le poisson était fini. Je faisais la volaille. Et l'après-midi, je tapais encore les fleurs. Et oui. Croyez-moi que le pognon que j'ai gagné, si je ne l'aurais pas croqué avec les copains, croyez-moi que j'aurais un beau château. Mais tu l'as vu. Et je ne regrette rien. Je ne regrette rien, on dit, tu sais très bien. Il n'y a rien à regretter là-dessus. On buvait beaucoup, hein? Ah oui. Et moi, j'étais invité pour des restaurants. Le matin, ils me disaient, tiens, on va aller casser la coupe vite fait. Moi, je disais, tu sais, il y aura le temps. Il y avait des jours que j'avais le temps, il y avait des jours que j'avais pas le temps. Je regardais ma montre. Vous voulez assurer la clientèle. Parce que si vous loupiez un client une fois ou deux, que vous n'étiez pas là au moment que vous voulez partir, ben, ils prenaient l'autre porteur et vous laissaient tomber. Vous portiez jusqu'à combien de kilos? Moi, j'avais un grand diable, là, les grands chariots. Il fallait savoir bien l'équilibrer. Un coup que vous étiez parti, moi j'ai vu partir au Savoie, à la République. Hein. J'arrivais avant le patron. Lui, il prenait le métro, moi, il n'y avait pas de sens unique, moi, direct. J'arrivais là-bas, on m'a cassé la côte, les gars de la cuisine ils m'ont déchargé le chariot. Ouais, on est comme ça. Ça montait ou ça descendait? Monter ou pas descendre, quand vous étiez lancé avec le chariot. Hein. Moi j'ai vu partir d'ici avec 600-700 kilos sur le chariot. Une fois chez Ménard, il y avait une marchand de charcuterie là, chez Ménard. Il y a un commis, tu sais, il faisait les marchés, le commis. Il y avait 40 colis de volaille sur le pavillon. Il n'a jamais pu décoller le chariot. Il dit, t'es bon, rien. Il dit, va te coucher, t'es bon au volant. Il dit, moi, je vais te le décoller. Je l'ai ramené ici. Pas trop bien, il a engueulé. Il dit, t'es bon, rien. C'était un coup à prendre? Ah oui, c'était un coup à prendre. Il fallait bien équilibrer votre... Il fallait pas que ça vous appuie sur les bras. Hein. Il ne fallait pas que ça n'en accueille non plus. Il fallait savoir équilibrer votre chariot. Mais un coup que vous étiez lancé, ça roulait, hein. Oui, c'était la belle époque. On était bien payés. C'était la belle époque. Il paraît qu'on buvait beaucoup de champagne. Ouais. Ah, ben ça. Je compte plus les bouteilles que j'ai bu, ma petite dame. Pendant à peu près 20 ans, la première boisson orléale, c'est le champagne. Quel que soit le milieu. Quel que soit le milieu, parce que chez moi, j'avais tous les milieux. Tous les milieux, du petit commis qui gagnait minimum, croyez-moi, tout le monde gagnait sa vie, à celui qui gagnait le plus gros, c'était le champagne. Ils en profitaient comme tout le monde. On vendait des milliers de bouteilles de champagne par an, des milliers. Des milliers, mais c'est... J'ai connu, on vendait la bouteille de champagne 15 francs. 15 francs, et encore même 12 francs, j'ai connu. Et la demi, 5 francs. Les Halles étaient le quartier où on vendait le plus de champagne en France. J'ai bien dit en France. Et de loin. Oui. Et de loin. On était banquiers presque à l'époque. Je vous expliquais comment ça marchait. On avait des petits carnets. Et il y a une personne qui arrivait, qu'on connaissait, qui disait, tiens, voilà, j'ai faut que je fasse plaisir à telle maison. Tu me donnes 7 bons apéritifs ou des choses comme ça. Alors je faisais 7 bons, qui étaient deux. En exemple, allons-y, on va arrondir aujourd'hui 10 francs. Il me donnait 70 francs. Et je lui donnais un bout de papier. Et ce bout de papier, les personnes venaient boire avec ce petit bout de papier. Ils venaient le lendemain ou ils venaient 6 mois après. Parce que c'était... Donc j'étais banquier, si vous voulez aller. C'était merveilleux. Ils arrivaient, c'était le café. Après, c'était le café arrosé. Ben, le café, c'était à 1h du matin. Après, le café arrosé. Ça marchait beaucoup. On avait les percolateurs. C'est nos cafés, on avait... C'était le café fait à l'ancienne, des percolateurs. On les voyait arriver, on servait ça dans des tout petits verres. Vous savez, des verres anciens très, très gros. On mettait la cuillère en travers, on mettait déjà le sucre. Celui qu'il voulait au lait, on versait aussi le lait dedans. Et le petit verre arrosé, on connaissait les clients, on savait que celui-ci c'était Calva, l'autre c'était Rome. On vendait aussi beaucoup du kirsch à l'époque. Je ne sais pas pourquoi on n'en a jamais entendu parler. Puis j'en ai même plus, je crois. C'était la vie des Halles. Car à l'époque, la vie des Halles. Il y avait un c'était... café à chaque pas. À chaque port, il y avait beaucoup plus de café qu'autre chose. Ils ont disparu, les bistrots. Il y avait des bistrots partout. Et le travail des Halles, c'était surtout assez difficile pour ça, parce qu'on avait beaucoup d'occasions pour aller au bistrot. C'était quoi les occasions? Ben, les occasions, c'était « Ah ben, tu me mets ça de côté, je vais revenir, vous voyez. » Tu me donnes un os à moi, Louis. Hein, ou alors, tu mets un petit peu de rognure pour mes chiens, vous voyez. Hein. Alors, ben, je te paye un canon. Alors, alors, on y retournait 2 heures après, parce que l'hiver, vous savez, le carreau des Halles, il fallait le faire. Hein. C'était un boulot très, très dur. Oui, et puis, à 4-5 heures du matin, on cassait la croûte. Hein. Alors, on faisait des bons casse-croûtes, bien sûr. C'était quoi les casse-croûtes de 4 heures du matin? Ah ben, oh là là. Ou une entrecôte, vous voyez. Ou des entrecôtes comme ça, hein, les bouchers, c'est tout ce que ou ça des mangeait. Tripes, vous voyez. Enfin, c'était un repas, si vous voulez. Hein. On était là depuis minuit. Hein. Alors, c'était un bon casse-croûte, vous voyez, bien arrosé, avec le café. Oui, et puis ils amenaient ce qu'il fallait. Vous avez qu'à en parler à ma femme, elle va vous parler. Oh oui, moi j'ai dit, ou tu quittes les Halles, ou moi c'est moi qui te quitte. Oh là là. Finalement, qu'est-ce qu'il a choisi? Ben, vous voyez, 61 ans. Parce que... C'est un quartier la vie que ça donnait, pour moi comme pour beaucoup, il commençait à minuit. Il rentrait à 2h, 3h. Alors, ouais. Je disais, va vite te coucher. Alors, les enfants étaient petits à l'époque. Taisez-vous, papa dort. Hein. Ah, ben, mais moi, j'attendais qu'ils soient réveillés pour partir au boulot. Parce que sinon, ils ne se seraient pas réveillés. Alors, je ne me couchais jamais avant qu'ils ne partent. Mais ça rentrait que le lendemain. Hein. C'était pas une vie. Puis alors... Oui, le café, il y en avait beaucoup. Le 421, tout le reste, ça marchait. Alors, T'as pas tiré ton coup, toi? Mais il y en a, on tient en face. Mais moi non plus, j'ai pas tiré, là. J'y tiens. Voilà. Moi non plus, j'ai pas tiré. Oh là là. Et l'addition, s'il vous plaît. Le boucher Martin. L'addition, hein. Le boucher Martin. Maxi. Oh, putain. Ah oui, il y a ton verre, l'eau. Merde. Vous voyez qu'il y a les étagères. 6,42 côté. Ça baisse. Il avait raison. Il y avait la maison Luce à Clichy, qui c'était M. Fall. Mmh. Il avait 6 employés qui consommaient toutes les nuits sur son compte chez moi, tous les jours. Il me payait. Il y avait un payeur qui payait tous les samedis. Alors tous les jours, il y avait 6 consommations, des fois 7, des fois 8, ça dépendait, des fois que 4. Mais tous les jours, c'était le compte important. C'est-à-dire que là, ils mettaient, c'était leur bureau. Ils arrivaient là à minuit, M. Fall, il avait 3 acheteurs. Ils arrivaient là, mettons, à minuit. Ils faisaient leur liste pour achat. Ils donnaient leur liste à chacun des acheteurs. En même temps qu'ils étaient là tous les trois, ils buvaient un coup. Et s'il y en a un qui n'était pas là, parce que ça arrivait souvent, qu'il y en a un qui était en retard ou qui était retardé parce qu'il commençait à travailler avant d'arriver là, il mettait la liste, ce qu'il avait acheté, et il mettait la liste sur le comptoir. C'était pas fait comme ça, le comptoir allait jusqu'au bout. Et il la mettait là-bas derrière, il y avait un casier, toc, il mettait sa liste là. Quand l'acheteur, il me donnait des sous en liquide, à l'époque, des sommes considérables pour aujourd'hui, 3 paquets que je mettais dans un tiroir, sans jamais rien compter, on mettait ça dans le tiroir, il y avait 3 paquets tous les jours, à minuit. 3 paquets, ça faisait à peu près quelle somme? Ça devait donner, je pense qu'il devait donner 5 000 francs à chacun. En 62, 5 000 francs, vous voyez que ça peut donner. Et c'était des camions, parce qu'ils payaient tout en liquide à ce moment-là, les gens. Ça faisait 3 camions de marchandises, quoi. Alors chacun avait son rayon. Alors ces gens-là, quand ils arrivaient, ils prenaient la liste pour aller acheter. Ils ne prenaient pas des sous, justement, ils les laissaient là pour ne pas prendre des sous. Ils allaient acheter. Un coup qu'ils avaient enlevé... Alors après, il y a des porteurs qui arrivaient, ils étaient 3. Pareil, ils venaient. À mesure qu'ils faisaient les achats, ils apportaient les listes là. Avec, tu as 10 colis de fraises chez Martinez, 10 cartons de bananes chez Pellissère, 10 cortines de citron chez un autre, et tout le tour des Halles, ils avaient acheté. Mais ils connaissaient. Donc ils prenaient cette liste, ils buvaient leur café, ceux qui voulaient boire, sur leur compte de leur patron, ils prenaient cette liste, ils allaient charger les machins. À ce moment-là, les acheteurs, un coup qu'ils avaient enlevé, les acheteurs que j'avais vus le matin, revenaient boire un autre café et rendez-vous souvent avec leur patron, surtout s'il manquait quelque chose, pour savoir s'il manquait rien. Et à ce moment-là, chacun prenait son paquet d'argent pour aller payer derrière ceux qu'ils avaient enlevés. Et à 7 heures, souvent, ils venaient, tout est bon, si tu vois le patron, si tu téléphones, parce qu'ils téléphonaient le matin, c'est bon, tout est parti, c'est parti, c'est fini, leur rendez-vous et leur sous étaient donnés. Et avec M. Fall, il n'y avait pas que M. Fall qui me laissait des sous, mais M. Fall était le principal parce qu'il y avait 3 paquets tous les jours. Jamais il y a eu un problème d'argent avec qui que ce soit. Moi, avec les clients, ils me disaient, tiens, Fernand, là, j'ai acheté, tu prends, tu rabosses, et après, tu te bombes à la voiture. C'est comme ça, vous connaissez notre boulot. Et ces gens-là, en général, des bons restaurateurs, des bons clients, ils achetaient toujours dans les mêmes maisons. Donc vous risquez pas de vous casser la tête. Et à ce moment-là, moi j'avais un gars de la gare Saint-Lazare, là. Il arrivait, Ferland, j'ai acheté ça, là, tu vas payer. Alors, le pognon, tu sais aussi qu'il mettait, lui, dans sa casquette, comme ça. Alors, il dit, toi, tu vas en faire autant. Mais dans la casquette, tu prends les factures, c'est moi qui allais payer. Il y avait des bons pourboires? Oui. Les pourboires, ouais. Heureusement. Moi, j'avais des clients, là, je vous parle. Le restaurant Mademoiselle et le pavillon du lac, là, tous les ans, j'avais mon enveloppe, mes étrennes, hein, mon dain, une petite bouche d'huile, hein, une bouteille de champagne, une bouteille de blanc. Hein. Tous les ans, pour mon Noël, j'avais ça. Et le dain, c'est lui qui me l'achetait. J'avais mon dain truffé tous les ans. Ah, et encore ça. Presque toutes les affaires se traitaient au comptoir. Hein. Ça m'amusait beaucoup parce que c'était toujours le même refrain. C'était toujours à celui qui baisserait, il se tapait dans la main, et celui qui avait craqué, il était quand même obligé de payer la tournée. Et des fois, même au 4-21, il faisait, s'il y en a un qui avait gagné, il décidait que c'était lui qui choisissait ce qu'il allait vendre, au prix qu'il allait vendre et tout. Et ça marchait beaucoup, beaucoup. Ils étaient tout le temps avec la piste qui les attendait. Et ils jouaient beaucoup aussi de bouteilles de champagne. Ça baisse. Il avait raison. Ça baisse. Chez Jojo, le patron matinal de l'Express Bar, rue Saint-Honoré, le champagne et le petit blanc arrosent joyeusement les allées et venues du personnel, petit ou grand, de la boucherie première. Ces bouchers-là sont des lève-tôt. Dès 3h du matin, on peut les voir sculpter des quartiers de viande qui seront ensuite livrés au restaurant parisien. Vous avez un drôle de truc, là, sous le tablier. C'est métallique, non? Ah oui, c'est métallique. Hein. Tu as une côte de maille. Bah ça, une côte de maille. Comme dans l'ancien temps. C'est efficace. Ah oui, ça évite de se blesser. Il y avait les gants de protection aussi. Ouais. Il y a les 900. Ouais, c'est très vieux. Ça fait depuis le début. Bon, c'était différent. Les protections étaient moins efficaces que maintenant, simplement. Mais bon, ça a toujours été. Enfin, surtout pour les gens qui font le désossage de la viande. Hein. C'est pour le désossage. Hein. C'est pas pour la vente au public ou comme le boucher traditionnel. C'est pour les gens qui désossent la viande. Hein. Vous avez vu vous-même beaucoup d'accidents? Oui, non, il y en a, oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Et ça peut être très dangereux parce que les couteaux coupent énormément. Et en plus, les coupures vont à l'avant-bras avec des possibilités. C'est pour ça qu'il y a des gants avec des poignets, si vous voulez, qui remontent de toute façon que... Non, sinon, il y a énormément de blessures. Ça fait 20 ans que je suis arrivée dans le quartier. J'ai acheté une pharmacie qui était déjà la plus vieille pharmacie de Paris, avec une grande tradition de pharmacie. Qu'est-ce qu'elle avait de spécifique, cette pharmacie? D'abord, elle était tenue par un médecin pharmacien. Et précédemment, depuis déjà presque un demi-siècle. Donc c'était quasi le dispensaire de ce petit coin des Halles. Ça ouvre à 6h du matin, ça ferme à 8h du soir, et donc c'était presque un dispensaire. Donc on faisait énormément de pansements. Il y avait 3 à 4 heures de pansements, mais même quand je suis arrivée, moi j'en faisais encore, il y en avait bien 2 heures tous les matins. De pansements, pour qui? Ben pour les bouchers, puisqu'en face il y avait les boucheries blancs, ils étaient 300 bouchers. La boucherie première, ils étaient 100 ou 150 bouchers. Plus la rue de l'Arbre Sec, rien que dans mon petit coin, il y avait presque entre 300 et 400 bouchers qui travaillaient la nuit. Alors à l'ouverture, ce qui n'était pas toujours facile, on avait les pansements de doigts. Bon, enfin, je faisais clip. Enfin, c'était quand même des pansements sérieux. Et le matin, je dois dire qu'il fallait que je m'adapte très très vite, surtout que on sortait d'une tradition pharmaceutique et médicale. Donc il a fallu que je trie, parce que je n'avais pas le droit de tout faire, mais enfin quand même, il a fallu que j'en fasse plus que dans une pharmacie normale. Les bouchers continuent à se couper les doigts? Maintenant, d'abord, ils ont des protections obligatoires avec des gants en maille. Hein. Et ensuite, il y a beaucoup de boucheries qui ont disparu, et notamment la boucherie Blanc qui est partie depuis 4 ans. Alors effectivement, il y a quand même moins d'accidents. Mais enfin, il y en a quand même un peu. On a toujours notre petit rayon réparation des doigts. La viande attrapée avait brûlé. Alors, il a été fait provisoirement dans la rue. C'était le pavillon qui était le plus traditionnel de toutes les halles, parce que c'était vraiment la triperie, ça amène, il y a tout un tas de choses, il y a des couleurs, des odeurs, il y a du sang, il y a tout, machin, la triperie, il y a quelque chose, ça va de la tête, le foie, les pieds, les rates, les saisirs, enfin tout ce qu'il y a, hein, avec tout ce que ça amène. C'était toujours mis en chariot, en... Le métier de tripier, c'est un superbe métier, c'est le plus beau, c'est un métier qui demande énormément de délicatesse, de précision, de propreté. C'est un... Maintenant, ils ont une combine, les gars qui font les cassages, ils ont... il y a le plastique maintenant, et alors bien sûr... Mais on pouvait mettre 3 tabliers devant soi pour casser, quand on cassait les têtes, on avait le slip qui était plein de sang. On ne pouvait pas faire autrement, ça traversait le pantalon et le machin. Alors c'était pour ça que c'était un métier difficile. Et alors les attrapés, l'opération quand même, la grosse chose d'attraper, c'est la tête. Mais la tête de veau, il ne faut pas croire, à l'heure actuelle, la tête de veau, c'est dénigré. Mais une tête de veau, on recevait du temps des halles, on recevait une tête de veau avec les poils. Hein, elle arrivait dans le camion, c'est-à-dire le veau décapité avec ses poils et son truc. Quand on recevait cette tête de veau le matin, les camions arrivaient vers 3-4 heures du matin, cette tête de veau, il fallait leur enlever le poil. Et il y avait ici dans les halles, il y avait 2 échaudoirs, un rue Beauvilliers, un rue du Jour. C'est le échaudoir, en fait, si vous voulez, c'était des pièces dans le centre de laquelle il y avait une grosse marmite. Mais une marmite qui faisait 7 à 8 mètres de diamètre. Autour de cette marmite, sur une estrade, il y avait une dizaine de piafs qui étaient là. Torse nu, en maillot de corps, avec des tabliers un peu sur le ventre, des tabliers en assez grosses poils sur le ventre. Ils étaient penchés sur cette marmite qui fumait, parce que cette marmite était entre 70 et 80 degrés. Et ils avaient pendu du plafond, des fraises. La fraise, c'est fraises, c'est un truc qui tourne assez rapidement, électrique, pour dépoiler les têtes. Alors vous arriviez avec votre chariot, maintenant avec 10 têtes de veau, 10 têtes de veau, 40 pieds, parce que ça marche ensemble. Alors ils disaient, du bois, machin, tes têtes. Alors on marquait nos têtes avec des coups de couteau sur l'oreille pour qu'on puisse les reconnaître, parce qu'on balançait tout ça, les unes après les autres, et les pieds, on balançait ça dans la marmite. Mais c'est des chaudoirs, c'était des trucs. On aurait cru les forges de Vulcain, ça fumait, on se voyait pas à 3 mètres dans ce truc-là. Et là, vous voyez cette grosse marmite, là, et les types torse nus là-dedans. Et alors, les gars, il fallait leur filer un peu de pocket, un peu de pourboire, la pocket, c'était le mot terme anglais. Parce qu'il était capable de vous la bousiller aux têtes de veau avec. S'il la fait trop cuire, par exemple, s'il la laisse traîner dans le fond, les oreilles frisent. C'est Et alors, quand les oreilles de la tête de veau ont pris une consistance un peu, que ça les a raffermis, quoi, que ça les a, comment dit-on, en cuisine, quand on les fait revenir, enfin, oui, etc., ça donne un petit peu tout. Là, il fallait toujours qu'ils fassent assez vite. Fallait pas qu'elles restent dans le bouillon pendant trop longtemps. Fallait qu'elles restent assez. Et nous, on était derrière. Je dis nous, parce que souvent, c'était des gamins qui faisaient ça. Hein. C'était gamins, on est les pousseurs de chariot. Et le type, sans regarder quoi que ce soit, il balançait la tête de veau derrière lui. Alors nous, on la mettait dans le chariot. Dépoilé, net, propre. Pas raffiné, parce qu'après, il fallait les raffiner. Et alors, nous, après, quand on l'avait, on faisait le tour des yeux. Parce que les cils, les oreilles, le menton, dans le veau... L'échaudage n'enlevait pas ce poil-là. Les sourcils, il faut faire les yeux. On est obligé de faire les yeux autour. C'est pour ça que je dis que c'est un truc très précis. Et eux, ils faisaient ça toute la journée ou... Ils attaquaient quand les camions arrivaient le matin à 3 h, il fallait que la marmite soit chaude et que que la marmite soit chaude, que tout ça soit en place. Et les derniers tripiers qui partaient, probablement à 9-10 heures du matin, comme tout le monde, eux, ils réplient les gaules. Y a pas de... C'est fini, que tant qu'ils lavent leur histoire, parce que tout ça, bien entendu, il ne faut pas oublier que ça fait du poil. Hein. Ça faisait des brouettes de poil. Tout ça, c'était plein de... Et ça débordait dans la rue. Il n'y avait plus que les passages. Alors, inutile de dire que les diables qui se rencontraient, ils se disputaient. Il y avait des petites camionnettes qui sentaient là-dedans. Alors, ça allait mal. Ça, c'était bruyant. Et oh, puis les langages, il ne fallait pas avoir peur de leur répondre sur le même ton. Bon. Alors, à ce moment-là, j'étais jeune et jolie, continuons. Et puis, j'allais dans les halles après 6 heures. Parce qu'à 6 heures, la cloche sonnait. Et quand la cloche sonnait, le marché était libre. Donc, nous pouvions rentrer dans tous les pavillons. Et alors, vous voyez, il y avait beaucoup de jeunes femmes, il y avait beaucoup de personnes plus âgées. Alors, nous, on mettait nos petites robes feuillolantes. Hein, qu'est-ce que vous voulez pendant qu'on y était? Et puis, ils vous envoyaient des gomards, il fallait leur répondre en même temps. Mais quand ils exagéraient un petit peu, moi, je me suis vu un jour, j'ai posé mon sac et j'ai envoyé le gars dans ses têtes de veau. Qu'est-ce qu'il avait fait? Bah, il avait voulu me serrer de trop près, il avait voulu soulever ma jupe. Moi, je ne pas ma jupe dans la rue, hein. J'étais pas tout seul et toutes les femmes prenaient part pour moi. Oh mon Dieu, je l'ai attrapé, j'ai fait un mouvement, la tête dans le... Dans la... J'étais debout. La boucherie, c'est du costaud. C'est net, c'est franc. Et ça vous porte pas trop à l'imagination. Mais pour le rayon des abats, il n'en va pas de même. Il y a d'immenses corbeilles emplies de têtes de vaches non décornées qui nous tirent la langue avec des yeux mi-clos et un air assez aimable. Il y a des montagnes de foie, des Himalayas de cœur, des Fujiyama de tripes. Nous pataugeons dans le sang. Berrurier tourne vers moi une pauvre gueule troublée par ses odeurs. « Tu te rends compte ?» balbutie-t-il. Le Seigneur m'ayant muni du sens olfactif, je me rends compte en effet. Gros Duc, à l'habitude, se promène au milieu de ses organes comme un mannequin dans les laboratoires de Carven. Pendant ce temps, je contemple un panier de têtes. Tu sais ce qui serait bien, fais-je? Non. Demain, nous sommes le 1er avril. Les vieilles traditions se perdent. Pourquoi ne ferions-nous pas une bonne blague à Pinot? La face cramoisie de Beru s'illumine. Quelle sorte de farce? On pourrait lui envoyer une tête de vache, qu'en dis-tu? Tu le vois déballer ça chez lui et se trouver nez à museau avec ce machin-là? Il est enthousiasmé. Attends, fait-il. Gros Dieu va nous en choisir une batte dans le panier. Une avec les yeux ouverts, c'est plus impressionnant. Nous passons en revue une demi-douzaine de ces répugnants trophées, nous appliquant à leur découvrir une ressemblance avec des amis communs, ce qui est moins difficile qu'on ne le suppose. Gros Dieu va pour camponner une septième tête de vache, mais son geste s'interrompt brusquement. Il demeure immobile au bord de la corbeille, se dandine un instant, puis il titube et s'écroule dans la fange sanguinolente. « Nom de Dieu !» brame le gros. « V'là mon pote qui se répand. »« T'es allé, Adam ?» lui explique sans tergiverser Beru. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Au lieu de répondre, Gros Dieu tend le bras en direction de la corbeille. « Là !» fait-il. On dirait qu'il vient de voir passer une soucoupe volante. « Quoi, là ?»« Dans la corbeille, regardez !» D'accord. Il y a de quoi se déguiser en plat d'épinards, les gars. Là, au milieu des têtes de vaches, de bœufs et de taureaux, il y en a une assez particulière, une tête de contribuable, tout simplement. Je me crois le jouet d'une hallucination. Pourtant non, c'est bel et bien une tête humaine. Je la désigne au marchand court sur pattes. Vous me mettrez celle-ci, lui dis-je. Et si ça ne vous ennuie pas, vous me ferez un paquet parce que c'est pas pour manger tout de suite. Premier étage de la tour de Molléry, il y avait des vestiaires pour les tripiers. Le tripier, quand il arrivait le matin, il se changeait. Mais comme dans les entreprises de triperie, s'il n'y avait pas ni vestiaire, ni toilette, ni quoi, c'était les bistrots qui servaient de trucs-là. Et à la tour de Molléry, il y avait des vestiaires à tripiers. Les tripiers, ils venaient, ils se changeaient. Et alors, bien entendu, moyennant quoi, ils étaient censés venir boire, manger, etc., et casser la croûte dans ces restaurants-là. Oui, ça sentait le sang, hein. Quand on est arrivé ici, ça sent le sang. Hein. Ici, on ouvrait, j'avais 70 vestiaires où ouvriers et mandataires venaient changer de tenue. On ouvrait à 1h du matin et on fermait à 18h le soir. C'était principalement des tripiers, puisque la triperie était juste où vous avez les petits jets d'eau là en face, qu'elle avait brûlé à côté, il restait encore la grande cheminée. La volaille juste après et la viande était de l'autre côté. Chaque employé avait son petit gobet qu'on appelait ouais, le gobet. C'était bon, celui qui était à la volaille avait un poulet. Alors vous aviez sur Mayfu là-bas 20-30 paquets, 20-30 gobets qui étaient avec un prénom marqué dessus. Celui de la volaille donnait à celui du poisson, vous savez, qui lui donnait un poisson en échange. C'était une tolérance, hein, c'était pas un droit le gobet. C'était une tradition. Et une tolérance de la part des mandataires qui savaient, voilà, c'était la coutume. Il faisait du troc, finalement. C'était ça, un troc. Voilà. Voilà. Et à midi, ils mangeaient leur gobet ou c'était pour chez eux? C'était pour emporter chez eux, ça. Parce que pour les casse-croûtes qu'ils faisaient, ils portaient leur gobet. Et on leur faisait cuire ici. Et on ne leur comptait donc que la boisson, que les frites qu'ils mangeaient ou le fromage. Et voilà, c'était comme ça que ça se passait. Ils portaient leur gobet à cuire. À 7h du matin, à la tour de Montlhéry, le restaurant des Halles ouvert 24h sur 24, les bouchers viennent se restaurer. Aujourd'hui, c'est de la langue de bœuf. Ah, il y en a qui n'aiment pas la langue de bœuf. Mais comme il reste du sécaché d'hier au restaurant, c'est nous qu'on le mange. Bon appétit, mon amour. Ah ben lui, c'est encore pire. Ça, Hervé, pour avoir de la voix, il y a de la voix. Petit par la taille, mais grand par la gueule. Là, ils ont été voir leurs 3-4 coups de blanc. Là. Hein, hein. Ah ouais, ferme ta gueule. Ah ouais, bah, faut le dire, faut le dire. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Et alors, merci Marcel. Chez Jojo, il faut prendre un petit coup de blanc avant de venir ici. Ouais. Ça ouvre l'appétit. Oui, la quantité, on mange. Ouais. Ah, c'est pas mal déjà. Hein. C'est pas sa rente de viande. Ouais, pour ce que tu fais, tu manges pas trop mal quand même. Ouais. Hein, j'en fais pas beaucoup, mais c'est normal. Et la betterave qui travaille pour nous, alors donc c'est pas la peine que j'en fasse plus. J'ai pas dit que je travaille pour tous. Mais... Alors la betterave, c'est vous? Ah oui, bon, surnommé la betterave. Ouais. Et vous, monsieur, votre surnom, c'est quoi? Oh, moi j'en ai tellement. Ah, ouais. Feuille de faucon, tartine. Pied plat. Pied plat, pied d'alu. Ah, pied d'alu. D'accord. Ah, je suis baptisé. Hein. Et vous? Moi, c'est pas pareil. Pas pareil. Ouais, pas pareil. Pas pareil. Parce que je dis toujours, c'est pas pareil. Alors donc, voilà. Et vous, vous êtes le petit nouveau? Oui. Donc vous n'avez pas encore de surnom? Non, pas encore. Au bout de combien de temps on peut espérer avoir un surnom? Ça dépend la personne, ça dépend. Ça dépend, c'est un petit nouveau de 100 kilos quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme surnom? Il y en a un qui s'appelle Zébulon. Hein, Roscoe? Il y a Roscoe, le grand c'est Roscoe. Père Brouilly. Ah, le Père Brouilly. Là, on se demande pourquoi. Ça, c'est Jean-Marie, ça? Non, c'est Guy, ça. Éole? Dieu du vent. Bon, ça nous arrivait avec mon mari le soir d'aller voir des gens qu'on connaissait et ben on faisait notre petit marché, on repartait ou avec des cerises ou des légumes, ça dépendait. Bon, c'était intéressant. Que les gens vous donnaient comme ça au passant? Oui, mais enfin les gens qu'on connaissait quand même. Hein. Oui. Alors, donc il fallait toujours un petit sac en plastique pour pouvoir remonter, pour emmener parce qu'ils n'en avaient pas quand même. Ah, ils prenaient une poignée dans chaque truc et puis voilà. On appelait ça le Lazare. C'est eux qui avaient... Ah ben, ils appelaient ça le Lazare. Vous faites votre Lazare. Ça voulait dire, bon, ben, vous ramenez vos trucs. C'était un nom qu'ils avaient à eux. C'est drôle, le Lazare. Le Lazare. Vous savez, les gens qui travaillent dans la rue, ils ont toujours des contacts très, très particuliers. Et c'est vrai que le langage de la rue est toujours un très, très joli langage. Je me souviens que j'avais... j'avais quand j'étais jeune, j'étais toute mince. J'ai jamais aimé les manteaux parce que c'était lourd. J'avais un petit boléro en astrakhan. Et un jour, je passe devant des formidables qui me disent « Dis donc, ma cocotte, t'as pleuré pour l'avoir. » C'était plein de choses comme ça. Donc, si vous voulez, leur langage, c'est un langage un peu rude. Mais je sais que les connaissances que je faisais en ouvrant ma porte, il y avait des gens très drôles. Une fois, j'avais amené une des secrétaires de Zanuck au hall, qui était d'une beauté rare. Enfin, ça, je peux vous dire, on était suivis à la trace. Et là, elle a fait son marché. Chaque garçon qui voulait, plus exactement, probablement lui passer les fesses, mais n'osait pas, lui ont offert, naturellement, un concombre, sans aucune allusion, et des herbes. Elle est revenue, elle a fait son marché. Donc elle était belle comme les sept péchés capitaux, et elle se riait. Mais c'était très gentil, c'était un tout petit peu agressif, mais pas moche. 5,90 et 6. Je sais pas, mais... Allez, la tomate, la banane, allons-y, la coup d'œil. Allons-y, la donne, vous la profitez. Allez, c'est 3,30, 10, 30. Alors ça fait 13,60, 14,90. J'ai qu'une minute de quoi, hein. Mais oui, mon chéri, mais t'as vu le prix des artichauts? Un peu plus loin, il y avait Madame Léo. Madame Léo, on allait faire la belote là-dedans. Les conneries, je vous ai entendu. La patronne. Oui, bah, tous, ils habitaient tous les blancs à l'époque. Alors, la patronne, elle dit, vous allez vous arrêter de dire des cochonneries. Elle n'est pas morte, lui, il est mort, le père Léo, mais elle est toujours en manquée avec un autre mec. Tu sais, on lâchait ses conneries là-dedans, on parlait de bites, de cul et tout. Oh, quelques... Tu sais que t'es enregistré, là. Oui, mais ça, je m'en fous. T'avais vu comment ça se passait là-dedans? Elle dit, vous êtes dégueulasse, elle dit, de parler comme ça devant tout le monde, mais tout le monde rigolait là-dedans. C'était la belle ambiance. Et à ce moment-là, je vous dis, il y avait un bout de bagarre des mecs qui sortaient d'un bistrot qui était un peu alméché. Hein. Eh ben, tu criais au boucher, ils sortaient avec le couteau. On va mieux dire, les mecs qui se trissaient à l'époque, c'était comme ça. Les bouchers, ils sortaient avec le couteau à la main. Hein. Et tu les voyais se débiler, les mecs. C'était comme ça. C'était la belle époque. À l'hôtel de la Juive, ça s'arsouillait à la Ramon, un pinard qui rendait louf. Quand ils étaient bien poivrés, ceux qui avaient 4 francs grimpaient au-dessus dans des pioles infectes, grouillantes de punaises, terminaient leur œil sur un matelas de varech. Il y avait plusieurs établissements de ce genre. L'hôtel de la Haute-Loire, dit de la Gueusaille, au 10 ou au 12 rue Quincampoix. La Grappe d'Or, rue Courtalon, entre la place Sainte-Opportune et la rue Saint-Denis. Chez Fradin, 35 rue Saint-Denis. La baraque a été démolie, il reste un garage avec une porte en bois. Un ancien lutteur, un rien fier à bras, tenait cet hôtel à mon époque. Émile, il avait placardé des portraits de lui partout au mur. Dans ses tôles, le truc typique, c'était la corde. Chaque soir, en bas, le patron tendait une corde d'un mur à l'autre de la salle du bistrot. Cette corde, croyez-le si vous voulez, elle servait d'oreiller à ceux qui avaient que de quoi pioncer à même le sol. Au matin, le taulier la lâchait. Boum! On entendait les crânes se réveiller. L'expression « être à la corde » vient de là, « être pendu », ne pas avoir un sou vaillant. Les Halles à Paris étaient une sorte de ville dans la ville, si on veut, ou d'état dans l'état. Et on travaillait beaucoup aux Halles. Et on travaillait la nuit, on travaillait le matin, mais il y avait une... Enfin, je dis pas qu'il y avait une joie à travailler, n'exagérons rien, mais il y avait une ambiance, quoi. Les gens se connaissaient, et alors le colibé pouvait fuser, si vous voulez. Et alors c'était un langage très imagé. Dans un livre qu'on ne lit plus beaucoup, qui s'appelle « Le génie de l'argot » de Nicéphoro, Nicéphoro, au lieu de dire qu'il était très imagé, ce langage, dit qu'il était matérialisé. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que les mots se fondaient sur la matière qu'on voyait, n'est-ce pas ? Alors, c'est pourquoi, de façon très simple, il me semble que des mots comme qu'on emploie aujourd'hui encore en argot, si on veut, enfin, en langage familier, c'est pas des oignons, c'est des salades. Il me semble que ce sont des mots des Halles, moi, ça. Pourquoi ? Ben, une salade, on en vendait aux Halles, et puis des oignons aussi. Ou alors, il y a eu une expression plus ancienne, hey, « Eh, toi, je t'ai vendu des haricots qui veulent pas cuire. Hein, » voilà. Alors, ça, il me semble que ça me paraît être des Halles, quoi. Bon, des haricots qui sont durs, quoi. Les bouchers, ils parlaient le louchébem. C'est un langage propre aux bouchers qui s'adresse surtout aux couleurs, aux odeurs, on fait pas beaucoup de. Il est difficile de faire une phrase. Mais tout ce qui concerne les couleurs, tout ce qui concerne les odeurs, tout ce qui concerne un peu la texture, des choses comme ça, ça peut se traduire en louchébem. C'est un. Par exemple, un louquès de Lougeroc, un coup de rouge. Il est l'emblème de Lougeroc, il est un peu loirnoc, il est un peu noir, il est. Oui, c'est ça. Mais par exemple, vous me direz, je peux vous dire, tiens, vous avez de beaux yeux, je peux pas vous dire ça. Vous pouvez dire, les yeux, le nez, la bouche, ça se traduit pas. C'est surtout un vocabulaire de qui servait au métier pour préciser certaines. Pour pouvoir se contacter sans être compris peut-être et puis mais il y a des bons mots, vous avez un mot qui est passé dans le courant, c'est lousdé en douce, ça c'est louchébem. Lousdé, c'est louchébem. Un lorsomique, un morceau, un lorsomique, parce que les il faut le savoir, parce que les terminaisons doivent avoir une sonorité. On va pas dire un lorsomès, c'est pas beau, mais un lorsomique, c'est joli. Un loutomique, un mouton, un loutomique. Par exemple, un veau, c'est également un lovique. Mais un bœuf, c'est un lovebé. C'est un lovebem. À l'heure actuelle, ils utilisent peu dans la boucherie. Ils utilisent des mots très précis comme laris pour dire racis, c'est laris. Loirnoc ou l'hervoc, noir ou vert. Un poulet, ben les poulets, parce qu'on a toujours été, on a toujours eu des poulets. Le métier de boucher, ça a toujours la suspicion. On avait beaucoup, les loups les pèmes, c'était très connu. Les loups les pèmes, les poulets, les loups les pèmes. Les poulets, les flics. Oui, les flics. Les loups les pèmes. Je ne sais pas si vous souvenez de ça, vous, mais à ce moment-là, en plein mois de juillet, qui faisait une chaleur terrible, deux fois plus chaud qu'aujourd'hui encore, hein, ils avaient toujours leur pèlerine. Alors, je travaillais, la première boîte quand j'ai débarqué à Paris, là, j'ai travaillé chez Randon, marchand de Porango, là, dans la rue, là, tout de suite, là, aux trois rues Turbigo, là. Les flics, ils avaient toujours leur pèlerine. Il avait un sac qu'il accrochait dans le dos, en dessous de la pèlerine. Alors, s'il y avait des camions qui gênaient, le patron, il filait une grillade ou ben, n'importe quoi, allez hop, il foutait ça dans la musette, les camions, c'était vite déblayé, hein, il faisait déblayer. Si tu donnais rien, alors là, il fallait que tu dégages. Eh oui, c'était l'époque, c'était comme ça. Eh oui. Nos agents qui sortaient du commissariat, et quand ils rentraient 8 heures après, ils avaient pris 25 kilos. Bon, je sais bien que, à l'époque, ils avaient quand même pris 25 kilos. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était une bonne franquette. Il y avait beaucoup de flics ici dans les Halles. Bon, mais le flic, ça démarre où ? Ça finit où ? C'est pas trop. Le flic, d'abord, d'une part, il y en avait beaucoup, pour une bonne raison, c'est qu'ils sont pas loin. Parce que la cage générale, c'est quand même le quai de Gèvres. Puis là, bon, pas loin. Alors donc, et puis, ils aimaient bien le milieu. Casse-croûte était pas cher. Ils sont pas ennemis d'un petit coup de pinard non plus. Et puis, il y avait quand même. Je veux rester au niveau de la boucherie parce que il y a une espèce d'entente. Je ne peux pas dire entre truands et flics, machin, mais le boucher, c'est un type, le poulet, du moment que le poulet n'emmerde pas, que ça fait un truc, etc., ça se passe bien. Généralement, ça se passe bien. Il y avait, alors dans le poulet, il y a le poulet, je parle là, poulet KGF, police économique, hein, civil. Qui contrôlait les ventes, les achats, le gna gna, les factures, les sans factures, Bien que le métier de la viande, c'est probablement depuis le plus ancien des métiers, ici sur les pavillons, des halles, qui était le plus contrôlé. On ne pouvait pas rentrer ni vendre un morceau de viande sans vignette. C'était comme le tabac. Alors que les fleurs, le poisson, le machin, personne ne savait ce qui rentrait, ce qui se vendait. Mais la viande, elle a toujours été attractive. C'est attractif pour le poulet. C'est plus... D'abord, ça fait beaucoup d'argent. Hein, les masses, ça représente un énorme chiffre d'affaires. On a fait des, il y a eu des affaires qui sont sorties. Comme François, machin, ont fait leur truc pour des conneries, pour des trucs. Il y a eu des anecdotes. Vous savez, quand un type, il coupe un morceau, il y a un porc entier ou un bœuf entier, il donne un coup de couteau. Il sépare 180 kilos en deux. Quand il donne le coup de couteau, il donne un coup de couteau, il fait une coupe, un deuxième coup de couteau, tchic, il fait tomber 500 grammes. Vous voyez ? Oui, un mec à droit, alors qu'il mérite un petit peu son truc, parce qu'il faut qu'il soit à droit. Mais quand il sépare une demi-bête, tac, coup de couteau, après avoir scié les os pour faciliter la coupe, il coupait comme ça, et tac, avant que la viande ne se rétracte, avant qu'il y ait un machin, deuxième coup de couteau, et à ce moment-là, tomber une escalope comme la main. Hein, le mec, pocket. Hein. Mais lui, après ce type-là, au bout de 2, 3 heures, 4 heures de ce boulot-là, il avait 30 kilos de viande dans sa poche. Bien sûr, parce qu'à chaque fois qu'il coupait, il a tombé une livre. Hein. Il allait dans un restaurant, et il négociait. Il a posé à négocier parce que c'était habituel. C'est 30 kilos de barbecue. Le restaurant acheté. Ou le payer soit en Ricard, soit en... Je sais pas quoi, hein. Mais alors, le poulet, lui, qui connaissait, qui était là en train de casser la côte, quand il voulait faire un petit coup de flambage, hein, depuis qu'il traîne un journaliste ou deux avec lui, il dit, on allait voir, alors, 30 kilos de viande sur la banquette, du machin, etc., les vols au hall, le truc, on en a fait des trucs, alors que c'était du domaine du mec qui travaille au ministère des Finances, qui prend un silo-bille le soir. C'était le même. Ils ont fait des scandales fabuleux, le vol de viande, le machin, etc. Personne n'était volé, parce que la demi-bête, elle faisait 145 kilos. Mais d'abord, ces animaux-là, ça perd un 1% à 2% par jour, selon la température, selon le séchage, selon le machin. Quand on achetait une bête qui fait 140 kilos, si vous la pesiez qu'elle en fasse que 136 ou 144, vous ne pouviez rien dire. C'était dans le truc. Alors, le pauvre con qui avait pris une livre, machin. Mais les poulets les avaient fait à un moment donné pas mal d'affaires autour de ce vol de viande. Voilà. Alors bien entendu, parce que quand on multiplie 40 kilos par jour, par 5 jours la semaine, par 350 semaines par an, ça devenait un trafic de... C'était quand même une pratique courante, ça. Ah oui, ah oui, oui, ah bien entendu. Et ça aide à vivre la famille. Hein. Payer les coups de pinard. Mais en fait, ça c'était. Et donc les patrons fermaient les yeux, quoi. Ah, ça faisait partie des. Parce que comme le patron, lui, pour son casse-croûte personnel, il tapait dans la masse aussi. Tout le monde disait, ça faisait partie des petites bordures. Vous savez pas comment quel est le mot boucher qui est merveilleux pour dire des histoires de vol comme ça? Ça s'appelle ça la défense. Ce n'est pas du. Et il y avait beaucoup d'employés bouchers qui disaient qu'en disant de cette maison, il paye bien, c'est mon patron. Hein, est-ce qu'il y a la défense? On voyait plus l'entrée à midi parce que il fallait dire je rentre au persil, je rentre au poireau, parce qu'il y avait des cajots jusqu'en haut et il fallait absolument repérer son. Bon, nous on a commencé à Gros Minet à côté, c'était tout petit, vraiment il y avait 20 ou 30 places, mais c'était du folklore. C'était Gros Minet, c'était le grand Jean, Monsieur Gola. Gola. Ouais, c'était un boucher. Ouais, c'est une figure un peu escroc, etc. D'ailleurs, on mangeait. Légèrement escroc. C'est-à-dire que souvent, la viande qu'on mangeait à midi, même que du bois mangé, c'était de la viande qui venait de sa boucherie, par ses garçons, quoi. Par un système détourné. Oui, on a vu certains jours des garçons qui rentraient dans la cuisine, les veilles de fête, hein, ils rentraient dans la cuisine avec le tablier relevé et un poids au fond, et ils ressortaient, ils buvaient leur ricard, le tablier était baissé, ils partaient. Alors nous, on faisait des coches sur la nappe 1. deux, trois, et tout ce qu'on mangeait. C'était des poulets, hein. Et tout ce que Dubois, tout ce que Dubois mangeait, en fait, c'était sa viande qui était un peu détournée. Et aussi le lundi, on mangeait des truites énormes, etc. Et parce que Gaulin, il allait dans des pêches qui n'étaient pas autorisées, il revenait avec des truites énormes. Et alors, il avait souvent des problèmes avec les gardes-pêche. Alors, il me balançait un papier bleu comme ça, il me disait, tiens, occupe-toi de ça. Putain, je voyais ça. Il avait cassé la gueule aux gardes-pêche, il avait foutu dans la flotte, etc. Il fallait régler ça auprès du procureur. Mais à l'époque, chez Grosminet, là, il y avait des personnalités de la préfecture de police. Il y avait le directeur de la police municipale, avec son chauffeur, voiture noire, qui venait le chercher à midi. Il y avait. Ces gens-là aimaient bien cette ambiance-là. Le commissaire Caille, que tout le monde connaît, qui a été directeur des renseignements généraux, nous venions ensemble tous les jours, parce que j'étais à son cabinet, donc on travaillait ensemble, et on mangeait ensemble tous les jours ici. Et lui-même, il drainait un tas de gens, le petit De Gaulle, qui était jeune avocat chez Maître Le Marchand, qui venait manger avec nous aussi, etc. Donc c'était tout un monde. C'est vrai qu'à côté de ça, il y avait bien sûr la fauche, les gens qui venaient avec des produits qui n'étaient pas très fiables, etc. Dans l'air, on pouvait acheter un camion d'engrais, un camion de manteaux de vison, de conteneurs de mitraillettes. Tout était à vendre ici. Parce que ici, étant donné qu'il y avait cet argent, ce machin, ça, qui que ce soit voulait, quoi que ce soit, on pouvait tout trouver dans les. On ne parlait pas à l'époque de drogue, c'était inconnu, hein, ça n'a jamais été dans le milieu. Mais si on voulait acheter quoi que ce soit, hein, on en parlait un peu. Il est certain que dans les heures qui suivent, ou la semaine qui suit... parce que tous les trafiquants étaient branchés là, puisqu'il y avait des gens qui avaient l'argent. Voilà, il y avait l'argent. Ils avaient réussi leurs affaires, et donc on leur proposait des manteaux de vison à moitié prix, ils les achetaient, ils ne regardaient pas la provenance. Voilà, tout était... Il y avait un petit peu cette histoire-là. Dans les bars, dans les bistrots, dans les machins, tous les types, tous ces gars, les macs, les machins, etc., venaient finir la nuit ici. Mais ils venaient finir la nuit et ils se frottaient avec des bouchers, des charcutiers, des machins, et on pouvait discuter. Nous, on ne savait pas. Le type, qu'il soit poulet, qu'il soit truand, qu'il soit PDG de machin, le type discutait, monsieur, ben vous avez ça, tout, ben monsieur. Ah, moi, j'ai une ferme, on ne trouve pas d'engrais. Comment on ne trouve pas d'engrais? Moi, j'ai des bateaux à Bordeaux, je fais machin. Je dis, comment ça se fait? Vous avez des bateaux à Bordeaux? Ben, 40 tonnes d'engrais? Écoutez pas, monsieur, je veux trouver, machin. C'est tout. Et l'autre, il disait, ah, putain, je vais flinguer, je vais foutre, j'ai une mitraillette, crois-moi, je ferais. L'autre gars qui était à côté, il dit, mais je peux peut-être vous trouver ça, moi. C'était cet amalgame de gens et voilà, de... C'est un amalgame, un centre commercial. Je suis placé en face d'un commissariat qui s'appelle rue des Prouvaires, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était le plus vieux commissariat de Paris. Et c'est ici où toutes les prostituées venaient toutes les semaines. Bon, quand on sortait, on est bon, on buvait un coup, tout ça ensemble. Ça faisait partie des Halles. Je dirais même que ça faisait partie à 50% des Halles. L'agent m'appelait chez moi. Je descendais. Il me disait, bon, tu vas me chercher, béton, 10 sandwichs ou machin. Il allait chercher ça pour les prostituées. J'avais ma commission. J'étais le commissionnaire des prostituées. À ce moment-là, ça marchait avec la police. Je me rappelle rue Saint-Denis, là, il y avait deux hôtels. Le samedi, moi je vais monter avec des lunettes là-dedans. Alors, il y avait les deux poulets qui étaient là, ils buvaient le champagne avec les patrons de l'hôtel. Sous table en l'homme. Et tout le monde pouvait bosser, personne ne disait rien, c'était la belle époque. Alors vous aviez les prostituées, pas celles qui travaillaient côté rue des Lombards ou la rue Sani, celles qui avaient leur... Mais vous aviez la prostitution pour pouvoir manger. Vous aviez des femmes qui venaient pour se faire payer soupe à l'oignon ou un sandwich. Alors, il y avait quelquefois des absences d'un commis et puis on le voyait sortir d'une porte cochère. Alors on savait pourquoi. Et puis, une demi-heure après, on voyait cette charmante dame s'acheter une frite. Et puis, c'était, tout le monde le savait, même les flics, mais c'était comme ça. Ça rentrait dans le... Jamais on... enfin, c'est le mot... Enfin, un agent n'aurait aurait intercepté ces femmes en disant non, c'était... C'était comme ça, il fallait qu'elle mange et puis ils trouvaient ça. Elle faisait tort à personne pour eux. Vous aviez les prostituées du Châtelet, là, c'est, si vous voulez, c'est un peu les rejets. C'est celles qui ne sont pas, si vous voulez, à cette époque-là, on disait maquées. Voilà. Alors, celles-ci, bon, elles étaient aux Halles et elles travaillaient dans les... Parce que tous les quartiers, tout le quartier des Halles, les petits hôtels se sont fait une partie fortune avec ce genre de dames, ou même des rendez-vous galants entre les vendeurs ou la vendeuse, ou les gens des Halles, bon, bah, tous les alentours des petits hôtels, c'était comme ça. Et alors, vous aviez l'hôtel, même sur les quais, enfin, même sur du côté du Châtelet, des hôtels où la journée, c'était des hôtels quand même assez classés, eh bien, fonctionnait à ça aussi. Et puis, ça a duré de très longues années. Mais tout le monde le savait. C'était bon, ben, un jour ou l'autre, ils ont mis un petit peu de holà. Mais elles étaient... Elles faisaient partie des Halles aussi parce qu'elles étaient connues, elles étaient sympas, elles avaient un petit côté, si vous voulez, un peu familial. Bon, moi je me rappelle que quand j'étais gamine, quand je passais, elle me disait bonjour, mais elle me disait un bonjour. Je crois que si quelqu'un m'avait embêtée, elle se serait sortie toute pour. Elles avaient un respect pour les gens et puis pour elle-même aussi. Bon, elle faisait ce qu'elle faisait, mais c'était sympa. Entre deux entrées dans la rue Saint-Denis, vous aviez des cageots et elle travaillait entre les cageots. Elle se mettait un petit peu en avant parce que l'hôtel était complètement caché par les montagnes de cageots. Alors, elle naviguait autour des cageots. Alors, il y avait les promeneurs, il y avait les curieux, et puis il y avait les commis aussi. Enfin, il y avait un peu tout le monde. Alors, pour elle, c'était presque des habitués. Elle avait presque une clientèle d'habitués. C'était même plus de la prostitution sauvage. Si elles avaient bien travaillé, enfin, ou bien autre, enfin, je sais pas ce qu'ils avaient. Des fois, les julos les amenaient casser la croûte. Et elles venaient, des fois, à deux ou trois copines, etc. Alors, il y avait un peu ceux qui étaient déchirés, un peu. Oui. Des fois, ça faisait scandale. Mais ça durait pas longtemps parce que les gens, il y avait tellement d'activités. Ils étaient noyés dedans. Les gens s'occupaient pas de ça. Ils s'occupaient pas. C'est même le touriste, quand on parle des touristes, ils disent, dans le machin. Les gens passaient, si on les bousculait un petit peu, mais les gens travaillaient. C'était pas une ambiance de fête, hein. Ça n'a rien à voir, hein. C'est une ambiance de travail. Travail, alors, fête, il y a... bien sûr, à un certain moment. Ah, mais fête pour le fêtard. Détente, même que même ça lui plaisait de voir les gens d'activité. Ouais. Nous, la boucherie première, parce qu'à la boucherie, dans le temps, la boucherie était ouverte, carrément. Il n'y avait pas de porte. Vous savez, les boucheries, c'était ouvert. Alors, des fois, un mariage breton, un machin, gna gna, ils traversaient, on va embrasser les bouchers, ce truc. Et bien, alors, c'était un truc, ça pouvait durer. Si le patron n'avait pas été là, ça aurait pu dégénérer un peu, parce que des fois, les mains baladeuses, le machin, la mariée, ça pouvait des fois dégénérer un peu. Mais enfin, ça s'arrangeait généralement bien. C'était les javaneurs, les raids bourrés. Les types les prenaient, les foutaient dans un chariot, les mettaient dans un coin, un coup de sourdeau sur la tronche, un machin comme ça. Le javaneur faisait partie du milieu, mais ne gênait pas et n'était pas... Oui, oui. Ça se réglait. Gros bras, alors, Non, puis ça se réglait, puis les gens bossaient, c'est tout. Puis le type, c'était... Il n'y avait pas de problème. L'épidore au moment des Halles est une chose assez difficile à imaginer. Ça ouvrait vers 11h du soir, c'est-à-dire que ça permettait, quand on sortait du théâtre, d'y aller souper. Et il y avait évidemment tous les forts des Halles qui arrivaient, les bouchers et les forts des Halles, les marchands aussi, et qui eux prenaient un café et des tartines beurrées à cette heure-là, et commençaient leur journée. Bon, nous, on soupait, et au fur et à mesure de la nuit, arrivaient tous les métiers, les primeurs au printemps. Et tout ce qu'on mangeait était donc apporté par les travailleurs des Halles. Si bien qu'on payait, c'était même dans les derniers temps, dans les années 70, je me souviens, c'était un prix ridiculement bas. Ce qui fait qu'on pouvait pouvait, même quand on n'était pas très star ou qu'on ne travaillait pas beaucoup, on pouvait dîner et passer la nuit très agréablement. Comme c'était un rendez-vous des professionnels du spectacle, est-ce qu'on pouvait décrocher un contrat, un travail ? Eh bien, c'était surtout ça, parce qu'il n'y avait pas à cette époque-là de casting woman ou de casting man. Et tous les réalisateurs, je crois qu'il n'y a pas un réalisateur qui ne venait pas à l'Épidore, tous les assistants venaient. Et bien sûr, comme il y avait une centaine de comédiens au moins par nuit, ils faisaient leur distribution à l'Épidore. Et très très souvent, même de théâtre aussi d'ailleurs. Moi je me souviens avoir eu des engagements de théâtre tout à fait extraordinaires à l'Épidore. Alors, le chien qui filme, c'était aussi un lieu de fêtards. Enfin, j'appelle ça des fêtards. C'était des gens qui venaient pas au théâtre, les femmes en robe longue. Ah, les femmes se promenaient en robe longue et les hommes en smoking. Ça n'avait aucune importance. Il y avait la cape et puis le chapeau claque. Hein, il y avait tout ce qu'il fallait. Et dans les années 50, ça ? Ah, moi, je vous parle. Moi, quand je suis arrivée en 43, moi, j'ai vu tout ça et j'ai participé aussi. Ça faisait un choc, alors, entre les gens en robe longue ? Non, mais ils s'entendaient merveilleusement bien. Combien de fois vous passiez ? Allez, le bourgeois, tu nous donnes ton chapeau. Alors, ils donnaient le chapeau, puis ils leur collaient des pêches. Ils repartaient avec leur chapeau. Mais très contents et heureux d'avoir bavardé avec ces gars. C'était un quartier très spécial. Moi, je l'adorais. Attends, nettoyage d'un tailleur, 20 francs, ça coûte combien ça? Bon, alors... Brigitte Betz, qu'est-ce que vous faites là? Je fais le petit... Je prépare les petits lots pour la tombola de la fête de la Commune Libre des Halles. C'est quoi cette Commune Libre des Halles? Ben, c'est une association informelle... d'habitants et de commerçants du quartier des Halles, qui a pour but que de garder une certaine convivialité dans le quartier et qui a pour but de s'amuser au moins deux fois par an. Normalement, il y a toujours un petit défilé de la fanfare des Halles avec la retraite au flambeau. On fait ça plutôt l'hiver dans le cadre de la fête du Beaujolais qu'on fait à la Bourse du Commerce. Mais sinon, c'est traditionnellement fait une parade dans la rue avec... avec le maire en tête, le garde champêtre, et puis tous les amis qui aiment faire ce genre de balade dans les jardins des Halles. Les 10 commandements de la Commune Libre. Article 1. La Commune Libre est un contrepoint institutionnel. Son rôle auprès du maire d'arrondissement est celui que tenait le bouffon auprès du roi. Article 2. Les maires d'arrondissement où se trouve une Commune Libre ont bien de la chance. Article 3. La Commune Libre n'émet pas d'impôts locaux, la Commune Libre n'a pas besoin de timbres fiscaux, la Commune Libre ne délivre pas de papiers administratifs, car la Commune Libre n'a pas d'administration. Article 4. Le maire de la Commune Libre n'a qu'un devoir, laisser tranquille ses administrés. Article 5. Les habitants d'une Commune Libre n'ont pas de devoir, mais tous les droits de s'amuser. Article 6. Les habitants des Communes Libres sont appelés des libertaires, des libertins, des libres choix, et comme ils l'entendent. Article 7. Une Commune Libre se doit d'organiser au moins un canular par an. Article 8. Liberté, égalité, fraternité est la devise inscrite au front des mairies. Aimer, boire et chanter est celle des Communes Libres. Article 9. Le patron des Communes Libres est Rabelais. Article 10. Chérie, prépare le dîner, j'arrive. Avis à la population. Ce soir, grande fête aux Halles, organisée par la Commune des Halles. On se le dise. Ah, les Halles, avec les habitants et les commerçants du quartier. Mesdames et messieurs Rémy, Bougrabe, Dubois, Chaise, Beltran, Grandjean, Fernand, Odile, Isoard, Cornu, Brun, Betz, Paul, Gilbert, Capelier, Le Pélican, ainsi que les garçons de la boucherie première et de la tour de Montlhéry. C'était spécial, Léa. C'était autre chose que maintenant. Alain Rimoux lisait des extraits de La Tombola des Voyous, San Antonio, Fleur Noire, et Des Halles au Balajo, de Robert Laja et Claude Dubois, édition de Paris. Marie-Dominique Bougot, Ferdinand Prévost, Monique Pratt, Josette Collin, Nuit Magnétique, bonsoir. Ben moi, je vais m'en aller, hein. Bon, ma petite Adèle, à demain. À demain ? Oui. Bon. Je te laisse. Bon. Allez, bonsoir, à bientôt. Petite dame. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 juin 1997. Thank you. Thank you.